cracher la cuisine. Est-ce que Dieu pourra la sauver si je deviens sa copine? Oups, j'aime pas l'anglais, mais j'aurai la moyenne, je vais vous étonner. Oups, j'aime pas l'anglais, mais je serai la reine des verbes irréguliers. Mais je prends des cours particuliers avec un voisin sans british. Sa marmelade et l'heure du thé, il sait que je m'en fiche. Tout ce que j'ai appris en 6 mois, c'est que Madonna is witch. Mais l'anglais ne serait pas du chinois si mon prof était Brad Pitt. Oups, j'aime pas l'anglais, mais j'aurai la moyenne, je vais vous étonner. Oups, j'aime pas l'anglais, mais je serai la reine des verbes irréguliers. Et pour comprendre ce que je dis, c'est un peu mission impossible. Il paraît que même à l'écrit, j'ai un accent terrible. Mais l'anglais, à quoi ça me sert de le parler couramment? Car ce n'est pas en Angleterre que vit mon prince charmant.